C'était, honnêtement, je trouve ça assez profondément débile. T'sais, est-ce qu'on bloque les portes puis on met des bouts de bois puis on arrache les... OK, on vote. Ouais, les comptes, là, tu sais, à la botch, là. OK, 125 pour 100 contre. Ah ouais, on bloque la cégep! Ils se mettent à garrocher des chaises d'un vide. Ah, là, c'est une vraie affaire. À peinturer les murs, à arracher les portes de bureau. C'est de la débilité, là. On a voté pour être moron, là, tu sais. Moi, je vais être moron à soir. OK, c'est let's de la go. Débilité. À un moment donné, on envoie un dire, ah, il y a un trou, là! Il y a un trou, là! On va rentrer par là! C'est pas sérieux! Fait que là, il arrive avec à peu près une trentaine de chaises pour bloquer ça. Et au bout du compte, ça se termine avec des policiers qui viennent faire un clean-up. Ce qu'on constate là-dedans, on peut peut-être écouter un premier extrait, mais ce qu'on constate là-dedans, c'est l'isolement de ceux qui voulaient étudier. On en voit quelques-uns. Dans le film, on en voit un à un moment donné qui se présente puis qui se fait cœurer puis pas à peu près. Il y en a beaucoup qui sont restés chez eux pour pas manger des claques à la gueule. Il y en a quelques-uns qui se sont présentés pour aller étudier. Et ces gens-là ont été bafoués. Donc, piètre, tu sais, moi ça me fait rire, là, ceux autres. Eux autres qui veulent, entre autres, quelqu'un de la FEU. Quand on a parlé au président de la FEU qui voulait le droit de grève. Ouais. Mais je m'excuse, mais le droit de grève, première des choses, c'est pas une grève. Ça, on va le répéter autant comme autant. Mais la démocratie, ça existe pas. C'est à main levée, c'est de la merde. C'est vraiment, comme système, là, il y a rien de pire. Les gens se regardent, s'intimident. Puis t'as même vu une fille, à un moment donné, qui avait pas levé sa main, elle regarde autour. Puis j'ai l'impression elle que la fille, elle veut pas se faire biner dans sa case. Là, Elle lève sa main. Et on la voit clairement. Elle regarde à gauche. Oups, t'as vu, Colin, OK, tout le monde. J'avais oublié de lever ma main. Là, exact. T'sais. Donc, c'est fling-flang. Le fameux comité exécutif de la classe. On voit que c'est une gang de pee-wee avec des casquettes de la Mao puis des cagoules avec la face de Karl Marx. Tu sais, le conflit a été contrôlé dès le départ par une gang de gauchistes dont certains étaient même des marxistes-léninistes. Mais ça, je veux dire, ils ont... frivoles. Tu sais, ils ont le droit d'avoir... Et anticapitalisme. Oui, oui. Ils ont le droit. Oui, je sais qu'ils ont le droit, sauf que ça a dégénéré. Puis c'est pour ça que je te dis que moi, du début... Il y a eu pour des dizaines de millions de dommages. Moi, quelqu'un qui a un gilet du Che, tu sais, ça m'offusque pas. J'ai pas envie de sacrer des bines. J'ai pas... Tu sais, il a le droit là, de vivre dans son utopie. Puis lui, il trouve probablement que c'est nous autres qui est utopiste, tu sais, puis... c'est correct, là. Mais moi, du moment où ça se lance des roches, j'embarque pas là-dedans. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, là. Effectivement, il a le droit, il a le droit, Jean-Claude, de mettre des chandails de qui il voudra, là. Des Bruins de Boston, des Seas de Californie, ça lui chante. Mais, la cause comme telle, elle a été noyautée, kidnappée par des anticapitalistes. Mais la cause, c'est pas ça, là. La cause, c'est les étudiants, les frais de scolarité ont augmenté. Puis tu sais quoi? Avec le recul, ce matin, j'ai réécouté les discours de ministres qui sont insérés dans le documentaire. Puis je me suis dit, c'est vrai qu'elle était salée la hausse. Avec le recul, c'est vrai qu'elle était salée la hausse. La première hausse, 300 cucs par année pendant 5 ans. Pour un total de 1600 cucs. C'est ça. C'est un rattrapage qu'on faisait à partir de 1968 au 70. Oh, ouais. Pour les nombreux gels qu'il y a eu. Nombreux gels. Oui, je veux que les étudiants paient davantage pour leur université. C'est une vraie farce. Les frais universitaires au Québec comparés au reste du Canada, ça, on l'a dit autant comme autant. Mais le fait que toute cette cause-là a été noyautée par une gang, une minorité d'anticapitalistes anarchistes, dont certains rêvait de renverser le capitalisme. Mais c'était ça la conclusion même à la fin. C'est ça le dérapage. C'est-à-dire, ben regarde, ça c'est une petite bataille, mais il y en a d'autres, puis on espère juste faire changer les mentalités. Mais ils ont kidnappé la cause. La cause a dérapé, elle est devenue violente. Il y a plein de monde qui ont juste voté pour pas débourser 1600$, là. Et non pas pour renverser le système. Oui. T'sais. Puis d'ailleurs, on a peut-être un bon exemple de ça avec cet extrait-là, justement, où on parle à une manifestante à un moment donné. Et on parle justement des émeutes puis du cassage de vitres, etc. Et elle nous explique c'est quoi le modus operandi. Pourquoi on casse et qu'est-ce qu'on casse? C'est quelque chose qui est réfléchi, c'est de la casse politique. Le monde ne va pas se mettre à casser le petit dépanneur ou le petit marché quelconque. Là. Ça va être la banque, ça va être des symboles de capitalisme, tu sais. Ben, deux choses. Premièrement, la banque, c'est des gens normaux qui travaillent là. Exact. Et c'est des gens normaux aussi qui investissent à la banque. Là. Vous n'avez pas de compte à la banque en 2013, vous êtes spécial. Là. Vous êtes un marginal. Vous êtes un logement spécial, vous pouvez pas fonctionner beaucoup. C'est là. Ça. Là. Je veux dire, ça fonctionne avec des cartes aujourd'hui, puis garde. Et les cases de la banque, ben c'est les citoyens normaux là, qui vont la payer. Là. Les caissières sont payées 28-30 000 par année. C'est du monde ordinaire. Non, c'est ça. Là, vous avez... Et le grand PDG de la banque, mettons que c'est vraiment là, c'est terrible, puis c'est un gros crosseur. Il est pas là. Il rigole. Il est dans son bureau de, au 72e étage, une grande tour ailleurs. Il est pas à Montréal, puis ça le dérange pas, là. Tu sais, je veux dire, il va réparer vite, puis ça va être ça. Là. C'est pas lui, vous l'avez pas traumatisé. Là. C'est ça. Et deuxième chose, vous verrez pas personne casser un petit dépanneur quand la foire est pognée. Là, tout le monde a bien du fun à lancer des morceaux d'asphalte. Il y en a eu, des petits dépanneurs, ben oui, voyons. Petits magasins. Comment garder le contrôle là-dessus? Puis comment affirmer ça? Ça arrivera jamais là qu'on va casser un petit dépanneur. Voyons donc. Et les manifs à répétition au centre-ville de Montréal, il y a 2 ans, ça fait mal à beaucoup de commerces. Ce qu'on pense, entre autres, à Elvis Ameublement. On y avait parlé, puis le gars avait quand même du bagout, puis était très coloré. Mais lui parlait au nom de plusieurs, qui voulait demeurer silencieux pour pas avoir des boules de billard d'invite, là. Ouais. Mais lui, il disait, ça suffit! Les gens vont 10-30 à cette heure, ils viennent pas au centre-ville de Montréal à cause des maudites manifs pis des rues barrées. Ça suffit. Donc, en entendant ces jeunes-là dans le reportage hier, on constate que, c'est une gang d'égoïstes qui ont pas pensé aux répercussions de leurs gestes. Et qui ont été dépassés carrément par les événements. Qu'on pense, entre autres, à Gabriel Nadeau-Dubois, qui était incapable de condamner la violence. Incapable de la condamner. Ah oui, t'as-tu pogné le bout où, là, il faut vraiment que la soirée de Victo. À Victo, okay. Quand ça a dégénéré, congrès du Parti libéral. Puis lui, il est pas là. Il est en négociation ici à Québec. À Québec. OK? Et il entend, là, évidemment, tout le monde, ça fait le tour, là, les nouvelles LCN. Regarde, il y a 6 blessés, quelqu'un qui a perdu un œil. Il y a un policier blessé. Tout le monde voit les images, c'est terrible. Là, le camion blindé qui rentre dans le fossette, puis bing, bang, ça lance des boules de billard. Puis... Donc là, ils sont obligés. La ministre leur dit, là, si vous voulez qu'on poursuive, là, vous allez aller calmer vos troupes. Là. Vous allez faire un petit point de presse, puis après ça, on va poursuivre. T'as-tu pogné le bout où il discute à l'interne avec sa gang? Oui. Et où il dit, bon, là, Gabriel, là, puis il rit, là, tu sais. Oh, ouais, il ricane. Tu sais, il dit, là, Gabriel, là, faudrait pas que tu ris, là, tu sais, faut que t'aies l'air, là, repentant. Ouais, c'est ça. Ouais, faut que j'aie l'air triste, hein. J'aie l'air repentant, je l'ai mis sur mon Facebook. Ouais, faut que t'aies l'air triste, là. OK, puis là, il se pratique avant, là. OK, faut que j'aie l'air triste, là. À un moment donné, il pose la question, dans le même segment que tu décris, il raconte, c'est quoi un appel au calme? Parce que là, Léo, tu sais, faut s'entendre, là, mais tu vois qu'il y a quand même la dissension, là, entre Léo Béraud-Blouin, Desjardins, puis lui. Ouais, mais c'est quoi un appel au calme? Ben. Alors qu'il aurait dû faire un appel au calme. Là, tu voyais que ça le gossait, là. Tu voyais. Donc, tu vois. Oui, mais il avait pas voté ça. C'était toujours ça, eux autres. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça, je l'ai compris un petit peu hier, là, parce qu'ils ont suivi vraiment la classe, là. Ils votaient sur n'importe quoi. On mange-tu du Subway, hein, tu sais, c'est. Ils votaient tout le temps, là. On bloque-tu ce porte-là? OK, on vote. Mettons, ils sont 10. C'est direct. Démocratie directe. On est 10, là, on marche, là. Hey, les gars, on te prend une bière. On vote! Tu sais, il votait tout. Fait que là, lui, ça le gossait, là, parce que là, il y a personne qui avait voté, là, pour condamner ce qui se passait avec tout. Mais t'as pas besoin. Pas besoin de voter pour dénoncer la violence, là. Ben, pour dénoncer que ça se galoche. Devant toi, là. Ben oui, dénonce. On veut passer au vote avant d'appeler le 911, là. Hey, les boys, il y a une fille qui se vient. Hey, on vote! On appelle la police? Ouais, c'est 2 contre 3. Non, non, on appelle ça, pas. C'est ça. Tu sais, c'est assez limite, son, cette affaire-là, là, tu sais, mais j'ai apprécié le documentaire du fait que j'ai compris des choses, là. Ça, on voyait pas ça, nous autres. On s'est expliqué ça. Faut voter. De quoi faut voter? T'sais, je comprenais pas. C'est quoi? Vous appelez tout le monde, faites le tour, vous envoyez un courriel. Moi, j'ai compris. T'sais, eux autres dénonçaient les policiers et le jeu politique. C'était des vrais politiciens. Mais j'espère. Manipulateurs. Menteurs. L'histoire du Grand Prix. Ah oui, l'histoire du Grand Prix. Menteurs, manipulateurs. Donc, eux dénoncent la classe politique et les politiciens en la décrivant comme telle. Avec leur attitude. Mais eux autres sont quoi? Il n'y avait pas plus politicien que Gabriel Nadeau-Dubois. C'était un groupe politique, très politisé même. Là, avec les mêmes travers qu'on peut déplorer dans la politique réelle. En fait, ça se peut-tu que c'est des travers humains? Voilà. OK. On écoute un extrait. Ça a rapport avec le Grand Prix, le fait qu'il y avait eu des menaces de perturbation du Grand Prix, entre autres par les pires radicaux, la claque, là, la gang de lutte anticapitaliste... Ouais. Qui est proche de la classe, des éléments les plus radicaux de la classe. Ça, je pense à la 4e ronde de négociation. Là, c'était Michel Courchaine qui était là. Elle avait dit, moi, tu vois, oh, m'arranger ça, là. La dame, d'affaires qui remplaçait Beauchamp, qui venait de quitter. Ils sont en train de discuter. Finalement, il y a comme une impasse. Et là, je sais pas si vous vous souvenez, là. Elle sort à faire un point de presse. Elle dit, là, s'il y a une impasse, garde, c'est pas discutable, on n'a rien à faire. Il y a un journaliste, je pense, c'est Patrice Roy, ça se peut-tu de Radio-Canada? Oui. Qui dit, est-ce que c'est vrai que vous avez eu des menaces? Là, elle dit, oui, ben, ils nous ont dit, on va vous l'arranger, votre grand prix. Là, eux autres, t'es en panique. Oh, non, non, on n'a pas dit ça. C'était pas des menaces, c'était pas des menaces. Mais dans le documentaire, on nous prouve que ça s'est bel et bien passé. J'arrête, tu ris. Check, va être ton grand prix. On a dit, attends, on a dit, on va juste mettre partir et commencer à aller préparer le grand prix tout de suite. On n'a pas trouvé ça drôle. Non, on n'a pas trouvé ça drôle. On n'a pas trouvé ça drôle. Donc, des petites menaces, puis en public, eux autres, c'est ça, ils ont nié avoir dit ça. 1-877-440-2464. L'avez-vous écouté hier? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Sur un live The Real Slimit. C'est bizarre, là, les noms de courriels que vous vous donnez. Là. Hein? Donnez-vous pas trop de job. Là. Appelez-vous donc Yvon puis Jean-François comme tout le monde. Selon ce qui ressort du documentaire, donc selon les quotes dans le reportage, Lassé s'est servi des étudiants pour faire sa pseudo-révolution dans le but de réveiller les citoyens. C'est des gamins qui jouaient à la game politico-médiatique sur le dos des autres étudiants. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Et t'as la dope médiatique là-dedans. Ben oui. Ils ont de l'attention. Ils parlent de nous autres. Les journalistes sont très présents dans le documentaire. Tu le sens, là, sont présents. Puis là, ça, il y a de l'adrénaline, il y a de la pression. Oui. Ils sont dans le jeu politique, ils rencontrent la ministre. Puis ils sont devenus big, là. Comme quand tu joues. Il y a un jeu humain. Comme quand là-dedans. Tu joues Pee-wee à Tom, là. Puis qui parle de toi dans le journal, là, parce que t'as gagné un tournoi à Trois-Rivières. C'est là. Des kids de 20 ans, 19 ans. Excité, 18 ans. Là. Ben oui. Hey, ça a l'air qu'ils parlent toujours dans le journal. Regarde, on est là, c'est notre photo, hein, t'sais, pis on est content, on en parle à l'école, hein, on était dans le journal, nous autres, hier, en tout cas, tabarouette. C'était la une des journaux à tous les jours. Ben oui, c'est sûr, pis t'sais, même si c'était pas les grands leaders, tous les étudiants impliqués, ils parlent de nous autres, hein, pis je t'ai dit qu'on est en train de changer le monde, hein, pis on embrasse des affaires, c'est hein, ça. Donc, l'ego gonflait à bloc, et Jean Charest le répondait. Ben Jean oui. Charest répondait à Gabriel Nadeau-Dubois, qui est un petit clin. C'est Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un gars ordinaire, là. C'est pas. C'est un gars intelligent, mais comme il y en a des centaines de milliers au Québec, c'est un inconnu, c'est un no-name. Ah oui, mais c'est le porte-parole. Mais lui, il est là. Porte-parole du grand mouvement, là, tu sais. Pis... Avec sa chambre dans le grenier, on le voit à la fin, là. Il dit, moi, m'a envoyé ma lettre de démission au devoir et tout ça, là. Oui, d'ailleurs, j'ai un dernier extrait lui, là-dessus, là. Ouais, c'est ça. Mais Jean Charest répondait à ce gars-là qui est pas un élu, là. Ben, il est un élu de sa gang, de ses gestes. C'est pas un premier ministre d'une autre province. Non, c'est pas un porte-parole. C'est pas un égal. De Nassau étudiante. C'est ça. C'est ça. Donc, il y avait l'effervescence du moment, jouxté à une cause anticapitaliste, à des syndicats derrière. Ça, on n'a pas vu ça hier. Hein. Les syndicats derrière. Il y avait de l'argent, là-dedans, non? Pour mobiliser autant de monde, Jean-Claude, là. Ouais. Pour mobiliser autant de monde, il y avait les syndicats derrière qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on voit pas dans le reportage? On les voit pas jamais, c'est vrai. Jamais, non. Jamais. Aucun chef syndical. Aucun chef syndical. Donc, la main syndicale derrière, ça a été confirmé. De toute façon, on a déjà sorti les montants ici. Ça, on l'a parce enlevé. Parce que la CSN, ça, on l'a pas mis. Je sais pas si on l'a enlevé, mais on l'a pas mis. Laurent Proulx, on le voit pas. Non. On voit un gars mon nez qui veut étudier. C'est comme si, dans le fond, il était juste deux, trois. Là. Ah, il était deux à Valleyfield, voulait aller étudier. C'est ça. Alors qu'il y en avait partout au Québec. Il y en avait, à un moment donné, quand ils ont fait la loi 78 et qu'ils ont dit on retourne en classe et vous pouvez plus empêcher les gens d'entrer en classe, là, il y a eu un autre drop là, dans la violence. Là. Moi, honnêtement, c'est juste ça qui m'a écœuré. De voir que des humains sont plus capable de se parler, puis c'est rendu à coups de bâton, puis à coups de roche, palais puis à des congrès, par la tête. Au cash, hein? Palais des congrès? Les pires images de violence au palais des congrès. Ouais, oh oui. Hey, ça se lance, regarde, les fumigènes dans l'entrée, toi, puis les peur, roches hein? Dans les escaliers roulants. Puis... Ben moi, je me suis toujours posé la question, si jamais ils se rendent, là, puis qu'ils se mettent à encercler Charest à 10, qu'est-ce qu'ils font? Moi aussi, j'ai pensé. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi l'objectif? C'est... Fait que c'est ben non, on niaise, on voulait juste faire peur. Ouais, mais si tu traites, tu fais quoi, là, y en a, ça en prend un coco de Pâques dans la gang qui lance une boule de billard. Ouais, quoi, bâton. Vous allez le décapiter, je comprends pas. C'est, on s'en va où avec ça, là? Tout ça pour une hausse des frais de scolarité. Ouais, c'est ça. Vous êtes prêts à aller là, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que vous... Tu sais, les polices, là, ils montent avec son bâton pis c'est pas... Où tu vas, là? Qu'est-ce que tu fais, là? C'est la cause qui avait été kidnappée. Quoi, tu vas aller frapper le premier ministre? C'est ça que tu vas faire, là? C'est... Par des franges violentes. C'est moi, ça que moi, c'est ça, ça m'a, tu sais, je suis incapable d'accepter ça. C'est pas de même qu'on marche. On est au Québec, au Canada, dans un des pays qui a le meilleur niveau de vie au monde. C'est inacceptable. On peut pas aller là, là. On peut pas aller avec des coups de bâton dans la face. Mais non, on peut pas aller là. On est pas en Révolution française, là. Puis le manque de respect à l'endroit des tribunaux aussi, là. Ça, tu le vois très bien. T'as-tu d'autres extraits? J'en ai un dernier, justement, okay. Quand GND quitte. Il nous explique un peu, il nous fait une espèce de lien avec un personnage connu du pourquoi il quitte. C'est des explications très très bonnes. Le monde des médias, le monde de l'image, c'est un monde très particulier qui a des dynamiques très particulières, souvent malsaines. Puis facilement, tu prends les moyens pour les fins. T'sais. Puis je veux pas en arriver là. T'sais. Je pense qu'en le faisant trop longtemps, c'est un risque. Dans Batman, Joker il dit « You can die your hero ». Or live enough long to become the villain. Tu peux mourir, tu peux te retirer assez rapidement pour être intègre avec tes principes. Parce que si tu restes trop longtemps, ben, ça va peut-être te corrompre puis tu vas peut-être devenir vilain. Tel Batman, GND, c'est retiré. Quand tu fais de Batman, non, t'es mal pris, là. Je sais pas si c'est le Batman de Val Kilmer, là, en plus. Je sais pas. Ah, ça, je sais pas, ça. Oh boy. Live à traduix.com.